Voilà, c'est l'intempestive. Alors, vous êtes toujours sur Au fil du temps, enfin, Au fil du temps. Améziane, avant qu'on poursuive, il y a vraiment une question qui est fondamentale pour moi. Alors, en une phrase, qu'est-ce qu'on entend par révolutionnaire? En une phrase, qu'est-ce qu'on entend par réformiste? Et en une phrase, qu'est-ce qu'on entend par opportuniste? Dans mon jargon à moi. Et opportuniste, bon, c'est comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui cherche des opportunités, c'est quelqu'un qui croit qu'avec certaines petites opportunités, il peut régler le problème. C'est-à-dire qu'il ne pose pas les questions de la perspective, du fond, etc., mais beaucoup plus de faire pour le moment ce qu'on peut faire, etc., et rien d'autre. Donc, c'est l'opportunisme. Le réformisme, c'est à la fois une situation historique donnée où l'État fait des réformes, où l'État est beaucoup plus en plein à faire des réformes, ou la société, ou le capitalisme. Les réformistes, ce sont ceux qui considèrent que l'essentiel de leur doctrine, c'est que la somme donc continue et indéfinie de ces réformes, c'est le moyen d'émanciper les travailleurs et la société. Les révolutionnaires, pour moi, ce sont ceux qui considèrent que il y a une succession des formes de production. Il y a les sociétés antiques, les sociétés esclavagistes, féodales, asiatiques, capitalistes, auxquelles nécessairement succédera une autre société qu'on appelle la société socialiste ou le communisme. Et ce sont révolutionnaires ceux qui considèrent qu'aujourd'hui, le capitalisme, c'est le règne du salariat. Et tant qu'on est dans le salariat généralisé, nous sommes en capitaliste. Qu'il soit gentil, pas gentil, répressif, pas répressif, coopératif, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme terme démocratique, pas démocratique, etc., il n'en demeure pas moins que c'est du capitalisme. Et quelqu'un disait, la république la plus démocratique, la république capitaliste la plus démocratique reste une république capitaliste. Ce règne du salariat, donc, ceux qui sont pour l'abolition du salariat, qui va abolir par la suite les classes sociales et les formes de répression, aller à une société humaine où l'homme va se réconcilier avec l'homme et avec la nature dont il fait partie, celui-là est révolutionnaire. On parle révolution, il y a des oiseaux en fond sonore, c'est un extrait de Radio Zinzine, puisqu'on poursuit aujourd'hui dans l'intempestive la série d'émissions sur l'histoire des radios libres. En s'intéressant à celle de Radio Zinzine, donc, on en discute avec Alex, un des anciens de la radio et de la coopérative de Longomaille dans laquelle elle est née. Bah, peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter. Oui, alors je m'appelle Alex Robin, je suis à Fort-Calquier depuis une éternité, c'est-à-dire que je suis originaire de Champagne et de Toulouse, mais je suis parti très tôt, j'ai quitté très tôt l'école, la famille, etc. à l'âge de 16 ans et je me suis retrouvé dans une communauté qui démarrait quasiment à la grande époque du retour à la Terre, les années 70, en Provence, en Haute-Provence, à Fort-Calquier. Et après, c'est devenu un peu mon destin, avec des hauts et des bas, avec aussi d'autres parcours. Mais en gros, je suis resté sur la Provence depuis ce temps-là. Et de la communauté de Longomaille. Voilà. Donc là, je suis arrivé dans une coopérative, une communauté qui s'appelle Longomaille, longtemps encore en provençal, qui est toute une histoire qui a effrayé la chronique, on pourrait dire, et qui dure, qui existe encore, mais au sein de laquelle on a démarré Radio Zinzine en 81, à quelques-uns, en association aussi avec quelques amis, quelques complices dans la région en Provence. Donc au départ, c'est des gens de Longomaille qui démarrent Radio Zinzine en 1981, quand ça devient possible, avec la complicité d'un ami qui faisait ça, des radios clandestines en Amérique latine. Et puis ensuite, en cours de route, on s'est associé avec un groupe d'Aix, d'Aixois, pour faire un double studio. Un studio sur la colline Zinzine, qui se trouve sur la ferme Longomaille au-dessus de Fort Calquier, en Haute-Provence, et un studio dans Aix-en-Provence, qui est là où on parle, 8 rue de la Molle, donc un studio qui, lui, est tenu par les gens de l'association Aix-Ensemble, qui sont des amis, des partenaires. Et donc on se gère, on se partage l'antenne. D'accord. Donc vous avez commencé en fait comme radio légale, vous avez pas, il y a pas d'histoire pirate. Il n'y a pas d'histoire pirate de Radio Zinzine, non. Sinon par une filiation, c'est-à-dire par cet ami qui nous a mis le pied à l'étrier et qui lui-même faisait des radios clandestines pour les mouvements tels le M19 en Colombie, des mouvements de guérilla colombienne. Ok. Et donc pourquoi vous décidez de créer Radio Zinzine? Comment ça se fait à cette époque-là? Qui prend la décision et Un peu par hasard, pour différentes raisons. D'une part parce que Longomaille avait mauvaise réputation et qu'on se disait autant qu'on nous entende directement, qu'on nous aime, qu'on nous aime pas, mais qu'on ait accès direct parce qu'il y avait une rumeur, il y avait des informations très problématiques nous concernant. D'autre part parce que étant un groupe déjà expérimenté, à fonctionner ensemble, on était capable de le faire. D'autre part parce que justement ce groupe avait une histoire originale et qu'il est européen, c'est-à-dire on est un peu de toute nationalité européenne, donc on avait aussi un regard sur l'information, une manière de voir qui pouvait être originale. Mais au départ c'est surtout comme une bouteille à la mer, hein. On s'est dit bon on essaye et puis on verra bien. Comme il y a eu un certain écho et qu'on s'est pris au jeu, on a développé l'initiative, on a commencé à mettre des relais un peu partout. En plus, nous, on est une zone de montagne, hein, Fort Calquier, c'est les Alpes de Haute-Provence, donc des relais, de toute façon, physiquement, il faut en mettre à cause des montagnes. Et puis, à l'époque, il y avait du flou durant toutes les années 80, ce qui fait qu'on s'est étendu jusqu'à Aix, jusqu'au Var, un peu partout dans la région Provence, jusqu'à ce que les institutions se mettent en place, la haute autorité notamment, et à ce moment-là, on nous a fait refluer sur les montagnes, mais surtout pour des raisons politiques. Parce qu'entre-temps, dans les années 80, à la fin des années 80, on s'était mêlé de l'histoire de l'affaire du lycée militaire d'Aix. Il y avait un conflit au lycée militaire d'Aix entre l'institution militaire et des professeurs qui voulaient que l'enseignement militaire relève de l'éducation nationale et non pas de l'armée de terre et des militaires entre eux. Et puis ensuite, il y a un étudiant qui a fait une maîtrise sur cette affaire. Donc, il y a eu une affaire dans l'affaire, puisque l'étudiant lui-même, on a refusé de lui faire passer le mémoire. Enfin, il s'est heurté à ses professeurs. Toujours est-il qu'il y a eu un psychodrame autour du lycée militaire d'Aix à la fin des années 80 à Aix-en-Provence et que nous, on a pris parti. On a pris parti, évidemment, en faveur des professeurs expulsés, évidemment, en faveur de l'étudiant qui était en butte à son institution à cause de cette histoire. Peut-être qu'on l'a fait en manquant de nuances. Mais bon, en tout cas, on l'a fait sur une base très saine et ça nous a valu des inimitiés au sein de l'institution. Ça a été une des raisons pour lesquelles on nous a viré d'Aix alors qu'on s'était installé à l'improviste dans les années 80. L'autre raison, c'était aussi qu'on était contre la première guerre ou la deuxième, en tout cas la guerre de 90-91 en Irak à laquelle la France avait participé. Donc en gros, on était mal vu de l'establishment, plus le fait que de toute façon, on avait une origine sulfureuse à travers Longomaille, etc. Une organisation mal connue qui sentait le soufre au regard des institutions. Donc tout ça, ça fait qu'on a dû se battre pendant des années et des années ensuite pour pouvoir revenir sur Aix-en-Provence, ce qui a été le cas en 97-98. On va peut-être revenir avant d'aborder cette période-là. Peut-être tu pourrais expliquer justement plus précisément ce qu'est Longomaille, puisque Radio Zinzine est entièrement liée à cette structure-là. Peut-être, toi, pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Enfin, Radio Zinzine n'est pas entièrement liée dans la mesure où l'association Aix-Ensemble, qui est en gros la moitié de Radio Zinzine, est complètement indépendante. C'est des gens d'Aix, des copains d'Aix qui, eux, ont leur vie. Mais c'est vrai que Radio Zinzine a été lancée par Longomaille et qu'une grande partie de la logistique, on peut dire la maison mère, c'est Longomaille. Donc cette coopérative, cette communauté, cette fédération de communautés, ce mouvement, on peut employer différents termes, qui signifie longtemps encore en provençal. Longomaille, c'est longtemps encore en provençal, qui a été lancé en 73 par un groupe d'Européens, d'Autrichiens, de Suisses, d'Allemands et autres, qui étaient dans l'héritage 68-art, on peut dire, qui voulait faire une autogestion, pratiquer une autogestion, qui cependant reste une base militante, c'est-à-dire une double démarche, quoi, qu'il ne soit pas un groupe fermé sur lui-même, pas un repli. Il y avait un Français parmi eux, un Français qui était déterminant dans l'histoire de Longomaille, dans son lancement, et dans sa vie, jusqu'à 93, puisqu'il est mort en 93. C'était Rémi Roland Perrault, de son vrai nom, qui lui-même avait déjà une histoire passée, vu qu'il était un rescapé des guerres coloniales et qu'il avait écrit RAS, qui avait donné le film d'Yves Boisset en 72-73, RAS, qui était un des films importants contre la guerre d'Algérie. Donc lui a été un fondateur déterminant de cette histoire, avec un certain charisme, avec une générosité, avec une combativité, avec une autorité aussi, qui fait que, bon, quelquefois, ça a contribué à notre mauvaise réputation, parce qu'on l'a parfois assimilé à un gourou. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas le cas, dans la mesure où il n'y a jamais eu de suiviste dans son entourage, dans cette histoire. C'est beaucoup plus tumultueux que ça, l'histoire de Longomaille. C'est une rencontre de caractère aussi. Même si c'est vrai que Rémi a parfois imposé son autorité, même si c'est vrai que c'est lui qui a vraiment imprimé sa marque les premières années. Et que sans lui, c'est pas évident que Longomaille se serait fait ou aurait duré, parce que, après tout, Longomaille a démarré comme d'autres communautés, d'autres fermes coopératives au moment du retour à la terre, comme on disait, dans les années 70, et la plupart des autres communautés se sont cassées la figure. Si Longomaille a duré, c'est sans doute d'une part parce qu'il y a eu la volonté farouche de Rémi comme fondateur, qui a donné tout son temps dans cette histoire. D'autre part parce qu'il y avait une vocation politique qui est restée, donc ce n'était pas un repli sur soi, c'était à la fois un projet de retour à la terre, en même temps ça restait une base militante. D'autre part aussi sans doute parce que c'est une sorte d'association entre des Français et autres latins, italiens, espagnols, et des germaniques, suisses, autrichiens, allemands, avec le côté organisationnel, le côté conséquent qu'ils peuvent avoir les germaniques. Et même s'il faut faire attention de ne pas faire trop de caractéristiques culturelles des peuples, il n'empêche que c'est quand même une réalité. Et aussi parce que Longomaille a eu de bonnes astuces pour trouver des moyens, quoi. C'est-à-dire que c'est une grande ferme qui a été achetée, qui était toute en friche, mais quand même, c'est une sacrée logistique qui a été achetée en 73 en Provence, avec sur la base de dons, d'emprunts qui ont été faits en Suisse essentiellement, d'où venait le groupe qui a lancé Longomaille. Et ensuite, ce réseau de dons est devenu un fonds de soutien, quoi, qui s'appuie sur plusieurs milliers de sympathisants, et pendant des années et des années, c'est quelques 10 000 sympathisants, finalement, au bout du compte, ont aidé Longomaille à investir. Donc Longomaille, à partir de la première ferme en Provence, a lancé d'autres fermes à travers l'Europe. Et au bout du compte, c'est en gros 200 personnes avec une centaine de gosses implantées sur une dizaine d'implantations qui vivent en autogestion. Alors au début, l'idée de Rémy, c'était un peu l'idée de Guevariste de faire des sortes de Vietnam pacifique, quoi, de lancer 1, 2, 10, 100 foyers de résistance, d'autonomie, etc. Bon, finalement, c'est quand même pas non plus quelque chose qui a pris comme une traînée de poudre, hein. C'est quand même maintenant toujours à peu près 200 personnes, avec donc beaucoup qui sont venus, beaucoup qui sont partis, ça a toujours été un carrefour. Mais c'est quand même un mouvement d'une dizaine de coopératives, essentiellement des fermes, mais aussi une filature à Briançon, qui sont implantées en France, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, avec un pied aussi au Costa Rica et un pied en Ukraine. Et on peut dire, enfin, à mon avis, c'est l'organisation autogestionnaire la plus aboutie qui existe à l'heure actuelle en Europe. Sans idéaliser, avec des hauts et des bas, avec des difficultés, avec toute l'énergie que ça existe, avec ce pari aussi qui consiste à prendre sa vie en main sur la base des relations humaines. Ça veut dire qu'on exige énormément des relations humaines. Donc quand ça ne va pas, ben, on n'a plus qu'à s'en prendre à nous-mêmes, c'est-à-dire à nos vis-à-vis les uns les autres. Et ça, ce n'est pas simple quand même. Mais malgré tout, il y a une certaine culture qui fait que c'est toujours un mouvement en vie et ça reste terriblement original. Donc à partir de l'une de ces fermes, on démarre Radio Zinzine. Donc on se lance dans la radio en 81. Mais aussi quelques années suivantes, dans une autre ferme en Autriche, en Carinthie, désormais célèbre Land à cause de Haider, qui est installé en Carinthie, Haider, le leader de l'extrême droite autrichienne. Nous, on s'était installé justement un peu à cause du problème de racisme qu'il y avait contre la minorité slovène en Carinthie. Donc, on a une ferme en tant que Longomaille en Carinthie. Et il y a aussi une radio qui, qui avait démarré avec les copains de cette ferme et des Slovènes de cette minorité en Carinthie. Une radio qui s'appelle Radio Agora, qui est à Klagenfurt, qui existe toujours. Donc voilà, il y avait un peu d'autres initiatives qui partaient de Longomaille au niveau de la radio. Mais Radio Zinzine ensuite a pris sa propre autonomie. Donc comme je disais, ça correspondait à un groupe au sein de Longomaille qui s'est renouvelé lui-même, dont je suis un des rescapés, si j'ose dire. Et ensuite d'autres ont rejoint ce groupe. Certains l'ont quitté et on s'est associé avec des amis d'Aix, qui fait que cette radio est un peu bicéphale, voire tricéphale, parce qu'il y a aussi un petit studio dans une autre coopérative Longomaille, qui est une vigne dans le Luberon. Alors un des trucs de la haute autorité, quand elle a établi le plan de fréquence définitive vers 83, si je ne me trompe pas, c'était de dire qu'il fallait mettre 24 heures sur 24. Ouais. Vous, comment vous vous êtes organisé? Comment vous avez structuré la grille? Combien il y avait de personnes qui tenait l'antenne, etc. Ben nous, on a aimé assez vite 24 heures sur 24 parce qu'au début, on était très nombreux et on avait pas mal de moyens qui faisaient qu'on arrivait à assumer humainement la durée en se relayant. Et puis avec le temps, comme on s'est spécialisé les uns les autres, comme finalement, on avait quand même moins de moyens parce qu'on ne pouvait pas indéfiniment non plus bénéficier de soutien extérieur. Donc on s'appuie maintenant essentiellement sur notre production, sur ce que fait la radio, sur des soutiens, des concerts, sur toutes sortes de soutiens, bon, bah, comme font la plupart des radios finalement. Donc maintenant on s'appuie davantage, on compense, disons, le manque de nombre parfois par l'informatique, par la technique, par les playlists. Mais il y a quand même une densité d'émissions qui est assez importante, qui est favorisée aussi par le fait qu'on est d'un peu de nationalité européenne. Donc on a chacun nos réseaux, nos contacts, nos goûts musicaux et autres. Et ça fait que on arrive à jongler, à se relayer pour que la continuité soit assurée. Mais concrètement, la première grille qui se fait, tu la définirais comment? Comment vous définissiez Radio Zinzine et comment, quel type d'émission il y avait au départ? Au départ, c'était très interpellant, on pourrait dire. Bon, la tonalité, peut-être s'il y a une continuité, il y a un terme qu'on aime bien qui est anarcho-bucolique. Ça peut continuer à la caractériser. Au départ, c'était interpellant avec les coups de gueule de Rémi, avec un peu une ouverture tous azimuts, mais en même temps, il fallait la tenir, l'ouverture. C'est-à-dire qu'il fallait oser nous adresser la parole et monter sur les ondes, si j'ose dire. C'était souvent des débats conflictuels à partir de l'actualité, quoi, tous azimuts. Donc c'était une radio très débatteuse, très interpelleuse, très emmerdeuse, très gueulante. Ça, c'était un peu le départ. Et puis avec le temps, ça s'est un peu affiné et cultivé, c'est-à-dire que des gens ont creusé leur domaine. Donc, en fait, nous, on a une formation un peu buissonnière, on n'est pas universitaire, on n'a pas de cursus académique, mais une formation quand même, c'est-à-dire qu'à partir de la radio, moi, par exemple, je me suis beaucoup servi de la radio comme prétexte pour contacter des gens sur un sujet qui lui-même m'était arrivé en fonction de l'actualité. Par exemple, début des années 80, l'invasion du Liban par Israël, donc ça fait connaître, par exemple, un réalisateur libanais qui est un peu un mouton noir du cinéma libanais qui est Jean Chamoun. Et puis à partir de là, ça fait un voyage sur place, ça fait des interviews, ça fait une approche où on mêle l'écume des jours, on pourrait dire l'actualité telle qu'elle arrive par les agences de presse, à des ouvrages de fond qu'on finit par détecter en fonction de notre propre sensibilité, à des visages, des gens, des caractères, des gens qui appartiennent à cette situation, voire à des voyages. Donc ça, c'est un peu une école qui est multiple, c'est-à-dire qui recoupe différentes approches, mais qui est assez buissonnière, qui est assez libre, qu'on choisit nous-mêmes. Et alors, ça peut être sur le Liban, ça peut être sur la région Provence, ça peut être sur les différents drames qui nous ont interpellés au fil du temps, la Yougoslavie, l'Algérie, l'Afrique, Rwanda, etc., quoi. Donc c'est assez empirique. C'est aussi empirique, mais il y a toujours eu, et jusqu'à présent, il y a l'énergie pour creuser différents chapitres. Et quand tu dis que vous êtes spécialisé, c'est-à-dire vous vous êtes réparti certains domaines d'intervention sur lesquels vous vouliez ouais. faire de l'antenne. Au début, on était très généraliste, réagissant tous azimuts, faisant beaucoup de micro-trottoirs, faisant beaucoup de directs depuis des villages et commentant l'actualité locale, nationale, internationale telle qu'elle se présentait. Dans la presse en général ou à travers nos réseaux. Et puis après, petit à petit, avec les renouvellements, donc ça c'est la génération Guido, qui est un Italien, qui était une incarnation de la civilisation orale, si j'ose dire. C'était Bertrand, qui est toujours là, qui s'occupe de la vigne aussi. C'est François Bouchardeau, qui lui ensuite a rejoint l'édition. Évange Burelet, c'est Françoise Barnoin, c'est toute une génération de gens qui ont maintenant une cinquantaine d'années. Ensuite, donc ça c'est les années 70-80, ensuite dans les années 90 ça s'est renouvelé avec des générations un peu intermédiaires qui ont maintenant pas loin de la quarantaine. Et puis maintenant il y a des 20-30 ans qui sont un peu, on pourrait dire, qui font partie du point de vue générationnel de ceux de l'altermondialisme, mais qui sont en même temps plus de culture libertaire, donc plutôt un pas de côté par rapport à ce qu'on appelle le citoyennisme, quoi. Mmh. Et qui sont portés sur la critique farouche du nucléaire, sur la critique farouche de la modernisation, de la modernité, du scientisme, des nanotechnologies, du contrôle informatique des gens. C'est par ailleurs, géopolitiquement, de l'Amérique latine. Bon, mais ça, c'est tout l'intérêt qui est ressuscité, on pourrait dire, à partir du Chiapas, du fil des années 90, quoi. En gros, maintenant, il y a aussi beaucoup d'intérêt sur le Venezuela, etc. Alors, ça, c'est plus par centre d'intérêt qu'en réaction à l'actualité tous azimuts, comme on le faisait au début, avec plus d'émissions spécialisées, et moins d'infos au coup par, enfin moins d'infos généralistes. Mmh. C'est une antenne qui est uniquement politique ou vous avez, enfin là actuellement tu m'as dit que vous travaillez avec Aix Ensemble, donc qui est plutôt musicale comme antenne. Ben Aix Ensemble c'est peut-être plus culturel, c'est-à-dire c'est aussi parce que comme c'est dans la ville d'Aix, c'est une porte ouverte aux groupes qui font des choses sur place, et là il y a une densité, il y a plein de gens. Avec ouais, des styles musicaux qui sont contemporains. Donc là, c'est ouvert de ce point de vue. Mais de toute façon, sur 24 heures en permanence, il y a quelques heures de débats et d'émissions spécialisées. Et le reste, c'est de la musique. Donc musique du monde et puis musique tous azimuts depuis Aix-en-Provence ou Fort-Calquier. Mmh. Avec parfois, même à Fort-Calquier, des groupes qui viennent de l'extérieur. Et à Aix, une circulation, beaucoup de groupes qui viennent, quoi. D'accord. Et comment est-ce que, enfin concrètement, comment l'antenne, elle a fonctionné, c'est-à-dire, c'est que des bénévoles qui ont fait marcher l'antenne depuis le début, ou il y a eu des permanents, comment ça s'est organisé Ben, à partir de Fort-Calquier, Liman, ce sont des bénévoles, parce que de toute façon, la manière de fonctionner du groupe de départ, des gens qui sont issus de la ferme Longomaille, c'est un bénévolat où on se défraye, mais où on refuse le salariat, à la fois parce que par choix et aussi pour des raisons pratiques, parce qu'on est tout un groupe et que organiser des salaires, ça serait très coûteux. Et par contre, du côté d'Aix-en-Provence, ils ont monté une association où, selon les périodes, ils ont été entre 3 et 2 salariés, 4, 3, 2 salariés. Donc là, il y a des salaires. Mais ils gèrent eux-mêmes la question, en trouvant des subventions et autres. Mmh, d'accord. Et les financements, justement, tout à l'heure, tu as parlé, des concerts de soutien et tout ouais. ça. Sinon, Radio Zinzine est... Les financements, il y a évidemment le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est un bon principe, qui consiste à prélever sur les ressources publicitaires pour les médias non commerciaux. Il y a pas mal de ressources qui viennent de ce qu'on appelle l'EPRA, une banque de données qui puise sur les fonds de l'ex-facile, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui. Ouais. L'accès, voilà. Ouais. Donc les fonds de l'intégration. Le terme intégration étant suffisamment souple pour qu'on puisse faire des choses intelligentes avec. Il y a des subventions diverses, qu'elles soient municipales, régionales, départementales, bon là il n'y a rien d'original. Des subventions européennes parfois quand on trouve un programme qui nous correspond. Par exemple, après le vote du non français notamment, on a pris l'initiative entre Aix et Fort-Calquier de lancer une émission qui s'appelait Coulisses européennes, chaque semaine une demi-heure, basée sur des entretiens avec des députés européens, avec des Européens divers, avec des gens qui prenaient des initiatives soutenues par des fonds européens, avec toutes sortes de thématiques qui sont des enjeux européens, en essayant de le faire sur un fil, c'est-à-dire la critique populiste anti-européenne, primaire, mais en même temps la critique contre on pourrait dire le réflexe élitiste des institutions européennes, quoi. Donc on essayait de faire en fait appel à des exemples concrets pour aborder l'Europe d'une autre manière, en sortir un peu du clivage idéologique dans lequel elle est piégée. Donc ça, c'était une des ressources du coup. Du coup, on avait trouvé des fonds pour la faire fonctionner, cette émission, pendant l'année passée, quoi, 2006. Il y a des concerts aussi, parce que à Fort-Calquier, on a un amphithéâtre en pierre, un bel endroit qui est magnifique, enfin qu'on a construit nous-mêmes, quoi. On peut accueillir 600 personnes, voire plus, c'est très beau. Et puis tous les ans, on fait par exemple la nuit du 4 août, la nuit de l'abolition des privilèges, donc c'est l'occasion d'une fête. Là, l'été 2007, on a fait un festival de musique tzigane. Ça, c'était vraiment un bon moment. Et en même temps, c'était des concerts de soutien. Donc, en même temps, ça aide aussi pour la radio ou autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un petit canard de la radio qui s'appelle Lire déchaîné. Lire, L'apostrophe, la colère déchaînée, les chaînes pubescent, les petites chaînes là, de la colline Zinzine. Parce que Zinzine, ça vient de... C'est un lieu-dit, en fait. C'est au sommet de la colline Zinzine qui est derrière le village de Fort-Calquier. Donc, une colline provençale. Le nom est peut-être un héritage sarrasin, on ne sait pas trop. Zinzine à Bulé, par ailleurs, c'est le chant de la mésange. Mais il peut y avoir différents sens qui nous vont bien. Puis Zinzine, en plus, un nom pareil, ça empêche de se prendre au sérieux. Donc, finalement, on l'aime bien, ce nom. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, alors, donc, Lire déchaîné, c'est une ressource pour la radio. Enfin, des fois, ça coûte un peu aussi. Hein. Ça dépend du nombre de gens qui s'abonnent. Parce qu'il faut quand même le faire, quoi, ce petit canard qui se veut satirique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ? Bah, il y a les dons des auditeurs, sur lesquels on compte toujours, en leur demandant, si possible, d'accepter de faire des retraits bancaires réguliers ou ce genre de choses, quoi. Voilà, et le fait qu'on soit bénévole du côté de Fort-Calquier, évidemment, ça allège tout l'aspect salarial éventuel, quoi. Et vous avez votre propre émetteur sur Fort-Calquier aussi. Ouais, ouais. Ouais, on cherche aussi à avoir nos propres relais ou des relais privés, parce que sinon, ça fait cher de passer par TDF, par l'organisme le plus connu dans le domaine. Ouais. Et diffusion de diffuseur, ouais. Télédiffusion de France, ouais. Mm-hmm. Ex-public. Désormais privé ou semi-privé. Mmh. Ouais, je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est des ressources, quoi. Mais c'est toujours une bagarre. Et alors, vous travaillez avec... parce que tu parlais de la dimension européenne dès le départ de Longomaï. Mmh. Vous travaillez avec d'autres radios associatives ou avec d'autres médias ? Ben, y a cette connexion avec l'Autriche qui nous amène à... une connexion avec un réseau qui part de nos amis autrichiens, qui s'appelle European Community Forum Media. C'est un réseau de 20 membres qui comprend aussi des fédérations dans les membres, donc il y a une centaine de personnes à chaque assemblée qui représentent des radios ou des sites à travers le monde germanique ou centre-européen, c'est-à-dire de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, de Hongrie, de Croatie, etc. Et le but, c'est d'une part d'être un groupe d'expertise sur les questions radio et informatique en général et sites, et d'autre part d'être un groupe de pression au niveau du Conseil de l'Europe pour pousser à ce que les États respecte un tiers secteur, comme on dit, laisse un espace pour les médias qui sont ni publics d'État, ni commerciaux. Mmh. Alors, avec ce réseau, il se trouve qu'on a des relations plus privilégiées parce que c'est des amis depuis longtemps. Sinon, il y a quelques contacts, par exemple avec la SNRL en ce moment. Syndicat national des radios libres. Mm-hmm. Ouais, toute une histoire. Ouais, voilà en gros quoi. Et on a un pied au CNRA aussi, parce qu'il y a un copain qui est un ancien de CANU mm-hmm. qui est au CNRA. Conseil national des radios associatives. Ouais. Donc CNRA et SNRL, c'est les deux principales fédérations. Il y a une fédération régionale aussi en Provence, mm-hmm. au sud-est. Avec laquelle vous êtes affiliés ? Ouais. Ouais. D'accord. Bon, au début, on ne voulait pas adhérer parce qu'on trouvait que tant qu'il y en avait plusieurs, pourquoi adhérer l'une plutôt qu'à l'autre ? Puis en plus, on s'était déjà suffisamment pris la tête dans les luttes, les petites luttes de pouvoir d'émergence des fédérations dans les années 80. Mmh. Et puis là, maintenant, il faut quand même être plus intelligent que ça parce qu'il y a des enjeux importants et il y a quand même intérêt à un minimum de partage, de regroupement, de coordination entre les radios. Sur la radio numérique, des enjeux importants. Ouais, la numérique, c'est sûr que si on ne s'y prend pas à l'avance pour peser, pour avoir un accès à un prix abordable, ça va être plus dur après. Et puis, bon, politiquement, on ne sait jamais, quoi. C'est pas évident qu'on fasse des cadeaux aux radios associatives. Mmh. Et le Monde Diplo a une émission sur votre... Ouais, c'est-à-dire depuis longtemps, on fait une émission avec le Monde Diplo, qui est un mensuel, enfin l'émission mensuelle, un magazine, qu'on appelle Dossiers internationaux, qui consiste à, soit nous de la radio, soit des correspondants, correspondantes de Paris, de faire des entretiens avec un, deux, trois collaborateurs du Diplo, ou un ou deux permanents, une émission d'une heure, mmh. où on développe un thème, plutôt que d'aborder 36 thèmes superficiellement, on en prend un ou deux qu'on creuse avec un des auteurs du Diplo. Donc voilà, c'est un petit peu comme Mère Méfait, mais différemment, parce que lui, il fait très débat, et il fait avec les permanents. Nous, on fait plutôt en creusant un sujet ou deux ou trois. Et on fait ça depuis longtemps. Mmh. D'accord. L'antenne, elle émet que en français, ou elle émet également en allemand ou... Non, elle émet qu'en français. Qu'en français. Ouais. Ouais, parce qu'en Provence, déjà avec nos accents, déjà avec nos sujets de prédilection, qui ne sont pas toujours les sujets du bistrot du coin, même si ça peut se recouper, si en plus on se met à parler en allemand, il y a quand même un certain enracinement. Le 25 octobre, jeudi, les informations à partir de la cabrerie Radio Zazine. On passe aux informations. Locales. Locales. Donc, comme information importante, ça se passe pas très loin d'ici, c'est au château d'Ansouis, je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler, qui avait été mis à la vente car les héritiers ne s'entendaient plus. Il y avait deux frères et une sœur. Et bon, c'était le duc et la duchesse de Sabran, enfin, etc. Bref, qui sont toujours propriétaires du château et qui voulaient le vendre. Il s'est trouvé qu'il y a à peu près une quinzaine de jours, c'était mis à la vente, c'était mis en vente par les enchères à Paris. Et il y avait le château, il y avait des terrains qui sont autour, enfin, etc., pas mal de trucs. Oh zut, personne ne nous l'a dit. Et il s'est trouvé qu'un fermier a fait jouer, comme il en a parfaitement le droit... Son droit de fermage. A fait jouer son droit de fermage. Alors ça a stoppé, dans un premier temps, ça a stoppé la vente. Seulement, il faut croire qu'il a subi certaines pressions amicales, forcément. Et ce qui fait qu'il s'est... Alors, c'est le fromage complet, qu'on ne sait pas ce que... Le pastis complet. Parce que là, aux dernières nouvelles, d'après le journal, il s'est désisté de l'action qu'il avait faite. Alors, est-ce que ce sera mis à la vente? Ça devait être mis à la vente lundi prochain. Est-ce que ce ne sera pas mis à la vente? Enfin, vous avez encore vos chances, hein. Si vous voulez l'acheter, vous avez encore vos chances. C'est le propriétaire du château... c'est-à-dire le duc de Sabran, qui est maire d'Ansouis. Ah, encore. Oui. Encore, encore. Bon, ben ça méritait quand même d'être signalé. C'était pas l'agenda de FPP, mais les infos locales de Radio Zinzine. On continue tout de suite à parler de la radio avec Alex, un des anciens, des fondateurs, et plus particulièrement justement du contexte politique local dans lequel s'inscrit la radio et des luttes qu'elle relaie. Et actuellement, c'est quoi le... Tu pourrais parler un peu du contexte politique dans lequel vous... Enfin, dans lequel en Provence, et dans lequel vous luttez. Dans lequel on se meut. Mmh. Bah, y a un gros morceau qui est ITER. ITER, c'est donc cet immense essai de fusion nucléaire, donc qui n'est pas de la fission, mais de la fusion, qui consiste à vouloir créer dans des conditions de laboratoire, en quelque sorte, l'équivalent d'un soleil, qui serait créateur d'une énergie fantastique. Mais c'est un immense pari. Il y a beaucoup de spécialistes qui pensent que ça ne marchera jamais. Ça, si ça marche, dans le meilleur des cas, ça sera un essai très temporel de quelques secondes ou quelque chose comme ça, et ça sera dans 30 ans, 40 ans. Et c'est un immense gouffre financier. C'est surtout un engin très prestigieux, international, que la France a obtenu. Mais c'est une fois de plus une installation nucléaire, une fois de plus une installation qui va exiger du nucléaire, de toute façon, pour la faire fonctionner, de la fission nucléaire. C'est une installation qui est une fois de plus un gros projet qui n'a rien à voir avec le paysage local, donc qui va bousculer beaucoup d'habitudes, qui est une fois de plus une stimulation à la spéculation foncière, parce que beaucoup de gens du coup vont en profiter, parce qu'il y a évidemment les salariés d'ITER qui sont d'un autre niveau. Le projet il est mis en place où ça? À Cadarache, c'est-à-dire au centre énergie atomique de Cadarache, qui est un centre qui commençait à péricliter, qui est un centre d'études et de retraitement, etc. Ou de stockage. Et donc, ITER, ça correspondait à un moment où le CEA commençait à décliner, et donc ça a été une manière de relancer le CEA de Cadarache. Mmh. C'est-à-dire, c'est à la frontière des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône, c'est entre Manosque et Aix-en-Provence. Donc ça, c'est un de nos objets de mécontentement assez récurrents. Mmh. Sinon, il y a, de manière constructive, tout ce qui se fait au niveau de l'aménagement du territoire. Parce que ce qui est intéressant dans une région comme la Provence, c'est qu'il y a beaucoup de néo-ruraux qui ont pris racine. Quand je disais que la plupart des communautés sont cassées la gueule, c'est vrai, mais en même temps, elles ont laissé des traces. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus des artisans, des paysans, qui font vivre le pays aussi bien que des vieux du pays depuis 36 générations, qui sont vraiment intégrés dans le paysage. Et cela, ils contribuent un peu, avec ou sans la Confédération paysanne, à une autre définition de l'aménagement du territoire, plus qualitative. Donc avec eux, on fait beaucoup de choses, on fait des émissions, mais il y a aussi une participation concrète à travers la ferme Longomaille. Tout ça est mêlé, quoi. En tout cas, on est très engagé dans cette histoire de défendre l'installation des jeunes paysans, de plaider pour qu'il y ait une liberté d'usage des semences traditionnelles, parce que ça, c'est théoriquement interdit par le catalogue officiel, de favoriser toute connexion, toute organisation, toute information sur les petits producteurs et leurs différentes productions et sur les manifestations qui sont issues de ce milieu. Ça, c'est en plein renouvellement, c'est en pleine effervescence, c'est vraiment le bon côté des régions rurales en ce moment, quoi. Donc là-dedans, on est complètement impliqué. Alors, il y a un prolongement avec aussi un secteur qu'on travaille depuis longtemps, qui est l'exploitation de la main-d'œuvre immigrée, clandestine ou pas, marocaine notamment, dans l'agriculture industrielle en Europe, y compris en Provence. Alors ça fait partie des sujets très très actuels dans la région, quoi, qu'on travaille. Il y a aussi tout ce qui touche à la littérature, on est très promoteur à ce niveau, en favorisant des critiques de lecture, soit parmi nous, soit des amis du coin, en lançant régulièrement de nouvelles émissions. Là, on a lancé une émission de Polar qui s'appelle Polarisation, et les éditions jouent bien le jeu, donc ça, c'est aussi, ça résonne aussi localement, parce que dans la région Provence, il y a du soleil, il y a des lecteurs, il y a des esthètes, il y a tout ça, quoi. Mmh. Donc ça, c'est assez typique de nos sujets de préoccupation actuels. Est-ce qu'on peut revenir, en fait, sur sur ce que tu as commencé à évoquer à plusieurs moments? Sur les grandes périodes de lutte en fait auxquelles Radio Zinzine a été confrontée, soit des luttes qui étaient liées en fait à des menaces sur la fréquence, soit des luttes auxquelles vous vous êtes associé de manière très étroite. Bon, on pourrait dire la première lutte dans le berceau, c'était déjà qu'il y ait une meilleure information sur le cas Longomaï. C'est-à-dire, Longomaï, donc cette communauté a eu des hauts et des bas. Elle a eu parfois des moments relativement autoritaires, mais en même temps, c'était la naissance d'un véritable processus autogestionnaire qui maintenant est, on pourrait dire, dans sa vitesse de croisière. Et pour différentes raisons, cette histoire a été caricaturée, parfois dénigrée, parfois diffamée, sous le terme de secte. Et donc, on peut dire que la première bagarre de Radio Zinzine, c'était ça, c'était une meilleure information sur Longomaï. Donc, d'autant plus que les gens qui lançaient Radio Zinzine étaient des membres de Longomaï à, on peut dire, 80%. Donc ça, maintenant, c'est plus tellement l'enjeu, quoi. Ça s'est calmé. Maintenant, Longomaï, ça a plus l'image d'une communauté qui a duré, qui est embringuée dans la bagarre d'une meilleure production dans le monde rural, de solidarité avec les immigrés qui sont exploités dans l'agriculture industrielle. C'est un peu ça, le profil de promotion des semences traditionnelles, etc. Donc ensuite, c'était la bagarre pour que Radio Zinzine elle-même puisse durer, parce que au début, on a tout fait pour nous saboter, pas seulement à cause de la réputation de Longomaï, mais aussi parce que, comme beaucoup de radios associatives, il y avait un ton très critique tous azimuts, et il y a pas mal d'institutions qui n'avaient pas le sens de l'humour, et qui ne l'ont toujours pas. Et puis après, enfin ça c'est un peu plus concomitant, c'est les années 80, il y a l'affaire du lycée militaire d'Aix, donc qui éclate en 86 et qui va se prolonger jusqu'à la fin des années 80. Et puis après, il y a ce qui concerne, là c'est plus compliqué, il y a des sujets délicats pour tout le monde, que sont le conflit israélo-palestinien, que sera la Yougoslavie. Parce que, par exemple, nous, on avait tendance à être sur une ligne médiane par rapport à la Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas criminaliser si systématiquement les Serbes, comme le faisaient les médias en général. Parce qu'on avait des amis serbes opposants. Parce qu'on a participé, par ailleurs, à l'histoire d'une agence de presse indépendante en ex-Yougoslavie. Donc, on avait plein d'amis dans chaque communauté, dans chaque république yougoslave, et on savait bien que c'était plus complexe que ça, quoi. C'est-à-dire, vous avez participé à cette agence de presse, quelle manière ? Qui s'appelle AIM. Eh bien, c'est-à-dire que ça, c'est le Forum civique européen qu'on a contribué à lancer après la chute du mur au début des années 90, qui se réunissait souvent dans nos coopératives, notamment dans la principale à Fort-Calquier, qui a été le réceptacle, le lieu d'accueil de journalistes de différentes républiques ex-yougoslaves qui avaient besoin d'un espace un peu distancé et néanmoins assez proche de la Yougoslavie pour concocter un réseau qui fonctionnera par modem, donc qui est un prélude à Internet, quoi, à partir de 94, pour faire une sorte d'agence de presse indépendante qui bénéficiera de soutien de fonds européens. Voilà. Mais en tout cas, ça a fonctionné une dizaine d'années. Ça s'appelait AIM. Du coup, sur la Yougoslavie, on avait aussi un regard privilégié, parce qu'on avait des sources intéressantes, mais il était plus nuancé que la tonalité générale des commentaires qu'on a pu entendre en France en général, qui était compréhensible aussi, parce que c'était tellement dramatique que c'était aussi compréhensible que les positions se durcissent. Il n'y a rien de très étonnant. De même pour l'Algérie. L'Algérie, nous, on était plus sur une position dialoguiste, comme on disait à l'époque, qu'éradicatrice. Et on a bien vu au fil des années 80-90 que les clivages politiques n'étaient pas très pertinents pour aborder les conflits qui nous étaient les plus proches, parce que à chaque fois, on avait la gauche divisée et la droite divisée aussi par rapport au positionnement qu'on pouvait avoir sur ces conflits-là, quoi. Sur l'Algérie, c'était caractéristique. Il y avait même l'extrême gauche qui diffusait là-dessus, qui avait une vision très laïciste, on pourrait dire, dans la tradition française ou dans une certaine tradition française, et qui était très fermée à toute ouverture vis-à-vis de tout islamiste, même islamisme politique, même islamisme victime. au nom du fameux terme « pas de liberté aux ennemis de liberté », il n'y avait pas de dialogue possible, alors que nous, on était plus sur une position qui a pu être symbolisée par ce qu'on a appelé la plateforme de Rome, par la recherche de compromis politiques, par ce qui pouvait favoriser une sortie de cette guerre, à notre avis, quoi. Et par le fait qu'il ne faut peut-être pas toujours privilégier l'étiquette idéologique, mais plus l'humanité des gens, quels qu'ils soient, et de cette manière, trouver des ouvertures à quelque chose qui peut atténuer un conflit, quoi. Ne pas rester toujours sur une base idéologique. Mmh. Et ça, c'est aussi lié à la manière de faire l'information, parce que c'est aussi lié au fait que dans une info, tu ne te positionnes pas toujours avec tes propres lunettes idéologiques, avec ta propre culture politique, mais en ayant la curiosité de chercher le débat directement avec les protagonistes ou avec les victimes, avec tous les interlocuteurs qu'on peut rencontrer. Tant qu'on peut les rencontrer, tant que la discussion est possible, allons-y, quoi. Ça n'empêche pas d'avoir des réactions critiques par rapport aux interlocuteurs qu'on accepte d'avoir. Discuter ne veut pas dire cautionner. C'est-à-dire, sur votre antenne, vous accueillez des gens avec qui vous pouvez ne pas être du tout d'accord. Pratiquer le débat contradictoire. Il peut y avoir ça sur cette question-là de l'Algérie, ça a été le cas. Mmh. Après, ça dépend du sujet et ça dépend des personnes aussi parmi nous, hein, et des moments. Mmh. On peut aussi être sur des positions très arrêtées, hein. Sur un tas de sujets. Sur le nucléaire, c'est rare qu'on accepte le débat avec des pro-nucléaires. C'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Ouais, c'est une radio très vivante, hein. Elle dépend aussi beaucoup des personnes qui la font. Au début, elle était plus homogène. Plus homogène et plus généraliste. Maintenant, elle est plus diversifiée et plus individualiste, on pourrait dire. Elle dépend plus des personnes qui font l'antenne au moment donné. Même s'il y a toujours un tronc commun, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps. Mmh. Et pour beaucoup d'entre nous, on vit quasiment ensemble, quoi. Ça signifie quoi pour Radio Zinzine aujourd'hui d'être une radio associative? Enfin, concrètement, comment est-ce que tu définirais le fait d'être une radio libre aujourd'hui? Aussi bien au niveau politique qu'au niveau de la manière de faire de la radio, etc. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, d'être une radio libre, ça, c'est moins central que de l'avoir été au début des années 80, au moment de la chute des monopoles d'État. En même temps, ça reste un moyen accessible, économiquement relativement abordable. Donc ça, c'est important. Ça reste quelque chose qui peut être un clin d'œil, qui peut être une petite voix libre, indépendante. Alternative, c'est un grand mot, parce que être alternative à un processus d'information qui dispose de tant de moyens et qui est déjà lui-même dépassé par lui-même, en quoi on est alternatif? On est alternatif dans la mesure où on compte prendre le contre-pied de ce qui est dominant. Mais prendre le contre-pied de ce qui est dominant, on n'est pas toujours capable de le faire avec la qualité suffisante. Parce que pour ça, il faut avoir un réseau énorme, des gens fiables aux sources d'informations. Être capable de réagir à temps, c'est quelquefois un piège. Parce que le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Donc quand il y a un événement, ne pas réagir, c'est plus sûr. Mais pendant ce temps-là, ne pas réagir, il y en a d'autres qui réagissent à la place et qui réagissent en fonction de leur culture, qui est en général la culture dominante, qui est en général plus dominée par certains réflexes que par la recherche des faits sur place et par la contradiction des points de vue. Je ne sais pas, il y a des sujets qui sont caricaturaux. Si on prend des sujets géopolitiques... Il y a une obsession sur l'Iran, ça, c'est de bon ton de toute façon de dire qu'il ne faut pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Et évidemment, ça va de soi, mais après on se dit ben, pourquoi que l'Iran? Et on se demande par exemple pourquoi personne dans la presse française n'a repris la prise de position de l'ancien président de la Knesset, de l'ancien président du Parlement israélien, Avraham Berg, qui il y a... pas longtemps a déclaré que si on voulait désescalader le risque nucléaire au Proche-Orient, il faudrait qu'on commence nous-mêmes, nous Israéliens, à baisser notre armement nucléaire. Alors, Quand quelqu'un comme ça dit ça, c'est un dirigeant israélien, qu'il n'y ait pas un seul journal français qui ait repris cette déclaration. Ça, c'est même pas de la critique gauchiste systématique. C'est une simple logique qui pourrait être une logique institutionnelle, quoi. Ça serait vraiment la moindre des choses que de reprendre ce type d'information. Donc là, évidemment, quand ça, c'est comment dire, là, on peut définir un peu ce qu'est l'idéologie dominante. C'est sûr qu'il y a des orientations dans les médias mainstream, dans les principaux médias, qui sont toujours les mêmes, quoi. À ce niveau-là, c'est assez facile de voir ce que c'est que de prendre le contre-pied. Et c'est salutaire, et c'est le minimum. Donc, des radios libres, elles doivent pouvoir aborder, au nom de la simple logique, même si elles n'ont pas une grande culture politique, au nom d'un réflexe sain, est-ce qu'on a entendu le point de vue des autres? Est-ce qu'on est sûr que les autres sont si criminels que ça? S'ils sont effectivement si criminels que ça, pourquoi? Partir de questions qu'on pourrait dire cardinales, quoi. Pourquoi? Comment? Vers où? Au nom de quoi? Avec qui? Toutes ces questions de base, savoir se les reposer de manière récurrente. Mais à la limite, quand je dis ça, ce n'est pas forcément une caractéristique de Radio Libre. N'importe quel journaliste, n'importe quel commentateur devrait avoir ce réflexe récurrent. Donc une Radio Libre, elle peut servir à ça parce que de toute façon, elle se donne les moyens d'une certaine liberté. Et peut-être aussi qu'elle peut faire de sa faiblesse une force, c'est-à-dire dans la mesure où les radios libres ne sont pas au centre des gros titres, ne sont pas au centre du système informationnel français, elles peuvent se permettre une certaine liberté de ton et elles peuvent se permettre de dire des choses qui sont plus difficiles à dire dans les médias plus importants en nombre d'auditeurs. Et ça se remarque avec les interlocuteurs. Quand on fait causer des gens qui, par ailleurs, ont des fonctions institutionnelles ou, par ailleurs, une certaine audience en tant que spécialiste, en tant que représentant politique, en tant qu'autre représentant qui doit peser ses mots, ben, quand on lui donne la parole dans une radio libre et puis que le contact est déjà établi, que ça fait partie d'un réseau de relations, mais c'est intéressant parce que la personne parle plus librement. Et parce qu'elle prend le temps. Ça aussi, une radio libre, ça peut être utile pour ça, c'est-à-dire se dégager des manies des médias courants qui consistent à avoir un ton syncopé, avoir un ton affecté, être artificiel finalement dans sa démarche. Ça peut être plus naturel, à condition de pas trop improviser non plus. Disons que l'improvisation, ça s'improvise pas, c'est-à-dire il faut quand même baigner dans un sujet, il faut avoir la passion de le faire, il faut trouver le moyen de préserver sa curiosité, ne pas devenir blasé trop vite, pour avoir l'énergie pour continuer à être intéressant, à avoir quelque chose à dire, tout en restant naturel dans son rythme, dans son approche, dans sa curiosité, etc. Donc une radio libre, moi je la vois bien, j'y vois bien son rôle dans ce genre d'attitude. Par ailleurs, je pense que de toute façon, il faut que les radios libres se connectent avec les autres médias, mais c'est ce qui se fait un peu aussi de toute façon, hein, en tapant, en privilégiant certains réseaux qu'on trouve plus intéressants. Je sais pas, moi je prends exemple un réseau d'info général comme réseau.net. Il y a un peu de tout, c'est assez bien sélectionné. Bon, c'est un peu la culture monde diplo, quoi. C'est un peu proche de ça. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est un parmi d'autres. Donc pourquoi pas se connecter au niveau radio et réseau et site dans ce genre de démarche convergente. Mais je pense que les radios libres ont encore leur sens dans la mesure où ça reste un petit instrument pratique. On a beau avoir accès à 36 gadgets. Le matin quand on se lève, ouvrir la radio, c'est pas mal, quoi. On a beau avoir accès à des tas de MP3 pour choisir ses chansons et tout, quand on a un interlocuteur qui a passé un peu plus de temps à ça, on aime bien aussi. Quand il y a quelque chose de rassembleur malgré tout dans une radio que n'aura pas le gadget plus individualisé, quel que soit l'apport de confort culturel ou de consommation qu'il peut fournir. Les auditeurs participent beaucoup à Radio Zinzine. En dehors de l'aspect de soutien matériel, financier de l'antenne. Bah, ça dépend. Il y a des émissions très simples où ils participent par la force des choses, c'est les radios trottoirs sur les marchés. Ça s'appelle En politique, on est hachement balèze. Là, ils n'ont pas le choix, à moins d'avoir le sens de la rupture développé. Il y a certaines émissions et certains thèmes où ça réagit plus facilement, surtout quand c'est des périodes tendues, où on a envie de savoir ce que pense Zinzine et où on a envie de donner son avis. Mais c'est pas tant que ça, et je me demande si c'est pas parce que de toute façon, comme on a des points de vue assez arrêtés sur un tas de trucs, bah, y a plein de gens qui aiment bien nous écouter et qui se sentent pas forcément d'intervenir. Et ça, c'est tout un art, et on l'a pas toujours, quoi. De susciter la discussion qui ne soit pas du racolage. Parce que c'est ça le problème. Monte Carlo, par exemple, ils sont bien plus doués pour le débat que nous. Mais parce qu'ils n'ont aucun complexe, aucune honte, aucune. Bah, comme aussi cette radio, comment s'appelle la radio où il y avait l'ineffable Arthur, là. Mais évidemment, si on est prêt à avoir aucune honte, prêt à dire n'importe quoi sur l'antenne, que c'est plus du rôle du défoulement, on a besoin de se défouler de toute façon, mais est-ce qu'on a besoin pour autant de l'étaler devant tout le monde? Là, on arrive dans l'obscénité, quoi. Parce que par ailleurs, il y a des gens qui ont des choses à dire qui sont plus vitales que la masturbation radiophonique, quoi. Que de se faire plaisir par le désir de choquer. Il y a quelque chose de pubertaire là-dedans. Il est intéressant le désir de choquer dans la construction de la personnalité. Mais une fois qu'on l'a atteint, je sais pas, on en mesure les limites, donc on passe à un autre stade. Alors, entre cet extrême et celui d'avoir des positions très arrêtées sur tous les sujets, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un peu plus dans la recherche de débat, mais un débat où on est à la fois ouvert et à la fois en éveil, où on tire un petit peu le fil, là, mais sans le faire rompre, quoi. Il faut vraiment être là, il faut vraiment être disponible, et ça, c'est pas facile non plus quand tu fais fonctionner une radio où tu fais un peu tout à la fois, l'organisation, la recherche de thèmes, les entretiens, les déplacements, c'est un peu la quadrature du cercle. Hein. L'intempestive, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission sera rediffusée lundi à 11h. Vous trouverez toutes les informations que vous souhaitez sur Radio Zinzine sur www.radiozinzine.org et vous retrouverez cette émission en ligne sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.